Et oui, c'est aujourd'hui que s'achève le mois de janvier et avec lui le marathon sans alcool initié par celles et ceux d'entre vous, d'entre nous, qui ont joué le jeu du Dry January, le janvier à sec sans une goutte d'alcool. L'occasion de se demander concrètement ce que fait l'alcool à notre corps, si une consommation modérée est possible sans risque et ce que l'arrêt de l'alcool fait également à notre corps, que ce soit un arrêt total et temporel, partiel et permanent ou que ce soit par petites touches de temps à autre. L'alcool est-il le poison social et sanitaire que l'on décrit ou pouvons-nous aboutir à une forme de cohabitation avec l'alcool. Alcool, un verre, est-ce que ça va? C'est le programme médical qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre eh bien, ce que l'alcool nous fait, si tant est que, si tant qu'on y est d'ailleurs, on ne repartirait pas sur un février à sec dans la foulée après le mois de janvier, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabien Gerski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue et professeur à l'Université de Reims. Et Hervé Martini, bonjour. Bonjour. Médecin addictologue, secrétaire général de l'association Addiction France. Mais on commence par celle qui ne va pas boire ni reboire un verre avant encore quelques jours. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature et la découverte d'un objet stellaire qui ne ressemble à rien de ce que l'on connaît. Et des chercheurs australiens ont détecté un flash très lumineux dans le domaine radio. Un flash répétitif de 30 à 60 secondes qui se répète 3 fois par heure, toutes les 18 minutes, plus précisément. Alors cette explosion d'énergie géante provient d'un objet aux confins de notre galaxie, à environ 4000 années-lumière de la Terre. C'est l'un des flashs les plus lumineux que l'on a détecté jusqu'à présent. Alors, il existe un des objets aussi lumineux avec des flashs périodiques, ce sont les pulsars. Ce sont des étoiles à neutrons, un objet très compact, très dense et qui tourne très rapidement sur lui-même. Alors ce n'est pas vraiment une étoile, hein, c'est un abus de langage, ce sont des résidus des explosions de supernova. Mais cette périodicité, cette luminosité ne ressemble à rien de ce que l'on a déjà observé. Nous avons peut-être découvert là une nouvelle catégorie d'objets stellaires. Mathilde Godel est chercheuse en astrophysique à l'Observatoire de Paris. Ces pulsars, en fait, ils ont une vitesse de rotation normalement de l'ordre de quelques secondes maximum. Généralement, c'est en dessous d'une seconde, même si on a détecté un pulsar assez lent de 23 secondes. Donc cet objet-là est extrêmement lent en fait par rapport aux pulsars qu'on a l'habitude d'étudier. Après, les pulsars, ils ont la caractéristique de ralentir avec le temps. C'est-à-dire que la période de rotation va ralentir avec le temps, mais on parle de plusieurs millions d'années. Hein. C'est vraiment des temps très longs dans l'univers. Donc, on pourrait se dire, bon, bah, cet objet est un pulsar très vieux, qui a ralenti, ralenti, jusqu'à atteindre justement ces 18 minutes de période. Mais en fait, avec toutes les théories qu'on a, le pulsar, il devrait être éteint depuis longtemps. Il y a des pulsars un peu spéciaux qu'on appelle des magnétars. Donc, c'est des pulsars qui ont un champ magnétique extrêmement fort, entre 100 et 1000 fois plus intense en fait que le pulsar standard. Et en fait, il va tirer l'énergie du champ magnétique justement pour émettre des flashs pendant beaucoup plus longtemps. Donc, on pourrait imaginer que cet objet, ce soit en fait un magnétar, mais quand même très vieux, parce que les magnétars connus, normalement, ont une vitesse de rotation de l'ordre de 10 secondes. Donc 18 minutes, c'est encore énorme. Donc on pourrait imaginer que c'est un magnétar très vieux qui aurait l'âge à peu près de notre galaxie, donc 13,5 milliards d'années. Oui, c'est ça, c'est que les auteurs parlent de magnétar à ultra longue période. C'est ça, c'est ça. Alors si c'est confirmé, ça ouvre en fait un nouveau champ d'objets qui était jusqu'ici inconnu. Mais le petit truc quand même qui est intéressant, c'est que normalement les magnétars émettent plutôt des rayons X et pas systématiquement des rayons radio. Et en fait, il a une très très faible luminosité en rayons X. Maintenant qu'on sait qu'il existe des objets lents et comme là c'était vraiment un objet extrêmement lumineux, il était peut-être plus facilement repérable. Et donc en fait, il faudrait vraiment regarder d'autres observations sur des longues durées pour essayer de voir si on pourrait retrouver d'autres spécimens de ce type, des magnétars à très longue période. Et pour en savoir plus sur ces magnétars à très longue période, je vous renvoie vers l'article de Nature que nous venons de reposter sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue JAMA, après 3/4 des survivants du Covid-19 présentent toujours des symptômes un an après leur hospitalisation. Mais des chercheurs néerlandais ont suivi pendant un an 246 patients de la première vague admis en soins intensifs. Des patients d'un âge moyen de 61 ans. Alors il ne s'agit que d'un questionnaire de suivi, mais selon cette analyse, un an après leur hospitalisation, plus de 74% d'entre eux présentaient encore des problèmes physiques. Fatigue, faiblesse musculaire, douleurs articulaires. 26% signalaient des symptômes mentaux, tels que la dépression ou des troubles de stress post-traumatique. Et 16% ont indiqué des déclins cognitifs. Plus de la moitié de ceux qui avaient un emploi étaient toujours en congé maladie. Selon les auteurs, ces résultats montrent l'importance d'une surveillance à long terme des effets du Covid-19. Selon les dernières données de la National Oceanic and Atmospheric Administration aux États-Unis, les niveaux de méthane atmosphérique n'ont jamais été si élevés. La pollution au méthane est préoccupante car ce gaz à effet de serre est 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Avant la révolution industrielle, le méthane atmosphérique atteignait les 700 ppb, parties par milliard. L'année 2020 a battu des records avec un niveau de méthane atmosphérique de 1900 ppb. Ces émissions proviennent essentiellement de l'exploitation des énergies fossiles et de l'agriculture, mais les 2/5 de ces émissions sont de sources naturelles. Elles proviennent des marécages tropicaux et des zones humides par un phénomène de rétroaction positive, c'est-à-dire que les émissions de méthane aggravent le réchauffement climatique et que le réchauffement climatique provoque plus de libération de méthane. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Nature Communications, il y a 9200 ans, une éruption solaire géante a frappé la Terre. Et lors des tempêtes solaires, le Soleil expulse de grandes quantités de particules énergétiques qui interagissent avec l'atmosphère terrestre, ce qui produit des isotopes radioactifs qui se conservent dans la glace. Des chercheurs suédois ont analysé des carottes de l'Antarctique et du Groenland. Ils ont découvert l'un des plus grands pics de production de ces isotopes, très probablement produits par une éruption solaire, la plus puissante jamais découverte. Si elle se produisait aujourd'hui, elle provoquerait une panne de courant généralisée. Et contrairement à ce que nous pensions, cela s'est produit lors d'une phase les plus calmes du cycle solaire. Cette étude confirme que ces événements sont imprévisibles et qu'ils sont, je cite, « une menace jusqu'ici sous-estimée pour notre société ». Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain journal des sciences. C'est donc aujourd'hui pour certaines ou certains d'entre vous la fin d'un mois entier de sobriété. Si vous avez choisi de participer au Dry January ou janvier à sec et de ne pas consommer une seule goutte d'alcool après les excès des fêtes. Mais même si vous n'êtes pas arrivé au bout de ce mois, même si vous n'avez tenu que quelques semaines ou quelques jours, votre organisme vous dit déjà merci de l'avoir laissé souffler un peu parce qu'en matière de consommation d'alcool, la doxa a changé au fil des années après le vin coupé à l'eau servi à la cantine des écoles jusque dans les années 60, après le mythe du French Paradox et de la petite dose de vin ou d'alcool quotidienne qui renforce la santé et les défenses immunitaires, la tendance actuelle serait plutôt à dire que chaque verre d'alcool est nuisible et déclenche un certain nombre de risques pour la santé, même à très faible dose. Pour vous en rendre compte et pour vous rendre compte de cette évolution, retournons donc en 1954 sur la radiodiffusion française. D'après la formule d'estimation du professeur Gélinek de l'Organisation mondiale de la santé, nous avons actuellement en France un alcoolique sur 25 adultes. À partir de quelle dose d'alcool ingérée quotidiennement peut-on considérer vraiment un homme comme alcoolique ? Dès qu'il dépasse 1 g d'alcool par kilo de poids, c'est-à-dire pour un homme normal pesant 75 kg, dès qu'il dépasse les 3/4 de litre d'un vin titrant 10 degrés. Oui, seulement il y a tout de même beaucoup de Français qui ne boivent guère plus d'un litre de vin par jour, mais par contre qui boivent 2, 3, 4, 5 et même 6 apéritifs. Est-ce tellement plus dangereux qu'un litre de vin ? C'est d'autant plus dangereux que la teneur en alcool d'un apéritif est plus élevée que celle d'un verre de vin. N'oublions pas en effet que dans un litre de vin à 10 degrés, il y a 100 g d'alcool pur, que dans un litre d'apéritif à base de vin, il y a 180 g d'alcool pur, et que dans un litre d'apéritif à base d'alcool, il y a 450 g d'alcool pur. Le danger de l'apéritif, c'est qu'il est pris à jeun et que de ce fait, il pénètre immédiatement dans le sang et dans les centres nerveux. Voilà, vous venez d'entendre un certain monsieur Mignot, secrétaire général du Comité national de défense contre l'alcoolisme, qui a un discours finalement assez strict pour l'époque à laquelle il le prononce, puisque nous sommes en 1954. Quelle est votre opinion, votre regard sur cette archive, Hervé Martini ? Oui, merci. Alors, c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on peut écouter effectivement des données qui datent des années 50. On voit bien que, heureusement, on a largement évolué en termes de recherche scientifique, mais il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. C'était déjà très subversif de dire que l'alcool pouvait entraîner des dégâts sur la santé à cette époque-là. Bien évidemment, maintenant, on est revenu à des taux beaucoup plus bas, mais c'était déjà, pour l'époque, une première prise en compte d'un fait social qui était que l'alcool, effectivement, consommé, pouvait entraîner des dangers pour la santé. Donc c'était bien quand même de le dire. On est tout au début des années 50, où la France, à la fois grand pays producteur, mais aussi grand pays consommateur, notamment de vin. Oui, ce qu'on entend notamment, Fabien Gierski, c'est une personne alcoolique sur 25, ça paraît énorme comme chiffre. Oui, c'est un chiffre qui est impressionnant. Et aujourd'hui, on a vraiment évolué dans cette notion qui était une notion catégorielle, qui était « je suis alcoolique » ou « je ne suis pas alcoolique ». D'ailleurs, c'est un terme qu'on a tendance à mettre de côté. C'est soit j'ai des problèmes vis-à-vis de cette boisson alcool, soit j'ai moins de problèmes. Mais c'est vraiment quelque chose de dimensionnel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour lesquelles la répercussion est assez flagrante, puisque cela les handicape dans leur vie quotidienne. Il n'y a plus que cette consommation qui existe à leurs yeux, au détriment de tout ce qui est autour, alors que d'autres vont avoir une consommation peut-être plus sociale. Ils seront bien insérés dans leur vie quotidienne, et pour autant, elle pourrait être aussi, dans certains cas, également problématique, à la fois en termes de santé générale, mais aussi en termes de santé psychologique. Aujourd'hui, la tendance, Hervé Martini, serait effectivement plutôt à avoir un discours de plus grande sévérité, voire de grande fermeté, puisque on va en discuter tout au long de cette heure, mais on lit souvent, malgré les préconisations, de plus en plus que l'alcool, même à très faible dose, est immédiatement nocif et toxique. Alors, j'amènerai quelques éléments de pondération. Déjà, sur le dry January, janvier sec, l'idée est plus un défi qui visait finalement à réfléchir sur sa consommation. La sobriété ou le fait de ne pas consommer d'alcool est un élément effectivement important, mais pas que. On peut réduire sa consommation, réfléchir simplement à sa consommation, c'est un élément positif. Ensuite, sur la notion, je voulais revenir sur la notion de consommation d'alcool au cours du temps. On est quand même passé dans les années 70 à 21 litres d'alcool pur par habitant, à 11,7 litres en 2016. C'est une diminution, notamment sur les vins, le vin de table, par exemple, qui a beaucoup diminué. Donc, on a eu conscience que cette consommation devait être très importante, avec des modalités de consommation qui sont de nouveau nouvelles. Ensuite, quand on parle de par rapport à l'alcool, alors l'alcoolique, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Fabien Gierski, c'est très très bien, on parle de notion de risque. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est rendu compte aussi que dès les premiers verres d'alcool, d'accord, il y avait un risque pour la santé, risque qui est naturellement différent selon les individus, et risque qui est différent parce qu'il ne touchera pas effectivement que ce soit un enfant ou un adulte par exemple. Donc je voulais quand même apporter ces petites notions-là, et sur la notion de sévérité, je ne suis pas tout à fait d'accord, je crois qu'on a amené plutôt de l'information. On est plutôt dans l'idée d'amener de l'information raisonnée basée sur la science. Vous parliez du French Paradox qui a été battu en brèche par des études maintenant scientifiques récentes, 2018 dans le Lancet. Donc c'est des éléments qui vont contrecarrer, si vous voulez, un peu cette notion de on peut boire, c'est bon pour la santé, etc. Nous, ce qu'on veut apporter, c'est vraiment des informations claires, éclairées et basées, votre émission le prouve, sur la méthode scientifique. Tout à fait. On reparlera d'ailleurs de cette étude du Lancet de 2018 sur le French Paradox, mais je crois que Fabien Gierski voulait réagir à ce que vous venez de dire. Oui, je voulais réagir et puis confirmer ce que vient de dire Hervé Martini, c'est-à-dire que les scientifiques n'interdisent pas, les scientifiques informent, les cliniciens informent des dangers. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des prohibitionnistes, nous savons que la prohibition, ça ne fonctionne pas, ça produit même des effets inverses. Donc l'idée, c'est de dire, au jour d'aujourd'hui, les données scientifiques, qui sont appuyées de nombreuses études, montrent un effet délétère de la consommation d'alcool dès le premier verre. Sur ce dry, pardon, excusez-moi, il y a un tout petit décalage entre nous. Je vous laisse terminer. Je disais dès le premier quotidien, parce que c'est vrai que là, il va s'inscrire tout de suite. Il va y avoir de nombreux mécanismes physiologiques qui vont se mettre en œuvre et qui vont même amener à une augmentation des consommations. Et qu'on va décrire dans un instant. Hervé Martini, sur ce janvier sec, est-ce qu'on a une idée du nombre de participants ? Est-ce que c'est tout à fait marginal ? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'essayent de plus en plus ? Et sur les bienfaits, même si on n'a peut-être pas tenu exactement avec zéro goutte d'alcool jusqu'au 31 janvier, il ne faut pas s'estimer vaincu pour autant ? Alors absolument, c'est déjà de réfléchir à son consommation, c'est pour moi une étape fondamentale et une victoire, de pouvoir s'interroger. Ensuite, là, on est en pleine phase, justement, ce n'est pas encore totalement bouclé, on est en pleine phase d'évaluation, effectivement, du nombre de personnes qui sont allées sur le site Internet, qui ont téléchargé l'application. En tout cas, on constate depuis quelques années une augmentation du nombre de connexions. Donc, on vous donnera les chiffres à partir du moment où ils seront consolidés. On a aussi, cette fois-ci, une très bonne retombée médiatique, c'est-à-dire qu'un fait qui était vécu comme une interdiction, comme un truc de sévérité, il ne faut pas boire, etc., venu comme quelque chose de très ludique, qui a diffusé dans la population générale et qui fait que finalement maintenant c'est quelque chose qui rentre, et je trouve ça très très intéressant, qui rentre finalement dans les mœurs de parler finalement de sa consommation d'alcool sans tabou au mois de janvier. Donc on aura les chiffres, mais déjà les tendances sont qu'on est vraiment sur une dynamique plutôt à la hausse, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Angleterre, où en Angleterre on serait sur une stagnation, mais en France on est dans l'idée d'augmentation du nombre de connexions et de personnes qui se lancent dans ce défi. D'ailleurs, interrogez autour de vous, demandez aux personnes si elles connaissent le Dry January, le défi de janvier, si elles ont réfléchi à leur consommation. Vous verrez que de plus en plus de gens en parlent, et la presse aussi en parle régulièrement maintenant. On suivra ça évidemment avec attention dans un prochain journal des sciences, dès que vous aurez ces chiffres consolidés. Et on va continuer à parler de l'alcool pour comprendre exactement d'où vient cette toxicité, quels sont les chiffres dont on dispose, et puis le regard aujourd'hui acéré que la science porte sur les différents comportements de rapport avec ce produit. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc d'alcool en compagnie de Fabien Gierski et d'Hervé Martini. Vous le disiez tout à l'heure, Hervé Martini, la consommation a globalement diminué en France, et nettement, puisqu'on passait, alors vous aviez des chiffres, moi j'ai les chiffres dont je dispose, c'est de 26 litres par an d'alcool pur en 1961 à effectivement 11,7 litres en 2017, donc on est à une réduction de plus de moitié. Quels sont les chiffres récents dont on dispose? Comment est-ce qu'on peut cartographier, faire une sorte comme ça de topographie de la consommation d'alcool en France, Hervé Martini? Alors déjà, on a effectivement une réduction nette du nombre de consommations, mais je vous dis, le phénomène qui est intéressant, c'est qu'on on a l'impression d'avoir une stagnation maintenant du niveau de consommation d'alcool. Ensuite, on a souvent, et je crois que c'est important de dire que l'alcool est quand même la première substance psychoactive consommée. C'est quand même plus de 46 millions, si on prend des chiffres hein, qui datent des années 2014-2015, mais qui sont toujours valables, on est à peu près autour de 46 millions de personnes, oui, français, de 11 à 75 ans, qui ont expérimenté le produit alcool. Ça couche toutes les classes, il n'y a pas de classes particulières qui sont plus touchées que d'autres, et on est à peu près à des consommateurs réguliers autour de 8 à 9 millions de consommateurs réguliers. Alors, dans cette petite frange-là, c'est comme toujours, vous avez une petite frange de la population qui regroupe finalement des gros niveaux de consommation, celles qui consomment le plus et qui sont souvent, malheureusement, enclins à devenir addicts à ces produits. Également rappeler des phénomènes émergents de consommation, qui est, alors les Anglais, les Anglo-Saxons appellent ça le binge drinking, c'est des phénomènes qu'on considère nous comme des alcoolisations ponctuelles importantes, hein, à pays, qui sont des phénomènes qui là aussi sont émergents. C'est-à-dire que au-delà simplement du niveau de consommation, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on consomme cet alcool. On consomme moins de manière quotidienne, mais on consomme plus de manière, surtout le week-end par exemple, sur les alcoolisations importantes. Donc vous voyez que plus que simplement la valeur du taux de 11,7 litres par habitant, c'est plus la modalité de consommation de l'alcool dans la population qui va être importante. Ensuite, on peut avoir des disparités effectivement régionales sur notamment les alcools qui sont consommés. Traditionnellement, dans le Nord, c'est plus une tradition brassicole, donc on a plus de bière, et le vin plus dans le Sud. Donc après, on a des petites différences selon les régions. L'OFDT publie régulièrement des chiffres qui montrent que globalement, on reste sur des niveaux stables, mais qui ne baissent plus. Et l'OMS, d'ailleurs, signalait quand même que parmi les régions dans le monde qui consomment le plus, l'Europe reste la grande région consommatrice d'alcool, avec, là aussi, des pays émergents, donc des régions émergentes, un point de vigilance sur les Amériques, l'Amérique du Sud, par exemple, et l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est. Voilà un peu, donc, grosso modo, la cartographie de la consommation d'alcool dans le monde, en Europe et en France. Fabien Gierski, un mot là-dessus. Comme vient de le dire Hervé Martini, il y a des chiffres qui sont assez significatifs, notamment le fait que 10% de la population consomme 60% de l'alcool. Donc ça veut dire que cette consommation, elle est très marquée sur des gens en particulier qui ont un profil de plus grosse consommation plutôt qu'une consommation diffuse à l'échelle de la population. Oui, c'est vrai que si on regarde les chiffres globaux de consommation, On se dit effectivement ça baisse depuis 1960, c'est intéressant, mais si on regarde même dans le détail des substances, c'est surtout la consommation de vin qui diminue de façon très progressive, alors que la consommation des autres alcools stagne. Et finalement, c'est ce qu'on observe dans nos pays voisins. On peut regarder la Belgique où il y a beaucoup moins de consommation de vin et davantage de bière, par exemple. On a des niveaux de consommation qui sont restés assez stables depuis les années 60. Mmh. Et puis finalement, dans ces modalités de consommation, on a des personnes qui vont consommer de grandes quantités dans des périodes de temps qui sont très réduites, hein, ce qu'on appelle le binge drinking ou l'alcoolisation ponctuelle importante. Et c'est vrai que nombreuses études ont été réalisées et montrent un effet extrêmement délétère de ce pattern de consommation sur les individus. Alors, il faut dire qu'il y a quelque chose de particulier à la France, c'est que on a longtemps entendu dire dans les familles, au repas, finalement que le petit verre de vin rouge le soir ou le midi avec le repas, c'était plutôt signe de longévité et de bonne santé. C'est ce qu'on a aussi entendu appeler comme le French paradox, l'idée que malgré une consommation d'alcool relativement importante, la population française vivait plus vieux, plus longtemps que les autres population avec ce même niveau de consommation d'alcool. Tout ça, aujourd'hui, Hervé Martini, c'est totalement battu en brèche, c'est faux, ça, un verre de vin par jour, ça n'est pas bon pour la santé. Alors, pareil, c'est quand même, le French paradox, c'est quand même une idée qui date des années 80-90, qui a cheminé, et qui a longtemps été remis, notamment par les lobbies viticoles. On s'est rendu compte, et là déjà l'étude INSERM le posait, avant finalement le travail qui a été mené par plus de 1800 chercheurs en 2018 dans le Lancet, c'était de montrer que finalement l'alcool est un produit qui, même à petite dose, est toxique, donc va entraîner un risque pour la santé, un risque nocif. Donc il est dégradé via le foie. Vous aurez, alors la maladie emblématique, c'est naturellement le cancer du foie, la cirrhose et le cancer du foie qui se greffe. Vous avez un reportage d'ailleurs après là-dessus. Donc l'idée, c'est de se dire que finalement, cette petite dose d'alcool entraîne un risque pour sa santé. Alors le risque, il est faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas zéro risque, mais un risque qui est faible. Et tout l'enjeu finalement d'une société, c'est de définir la notion de risque acceptable. Qu'est-ce qui est acceptable en termes de consommation pour l'individu et pour la société ? On peut effectivement être dans la prohibition, qui est de dire ben, « il y a un danger qui est l'alcool, je veux diminuer complètement le risque, j'arrête complètement l'alcool. » Et dans ce contexte-là, je fais la prohibition. Ou alors, c'est de dire qu'on accepte qu'il peut y avoir un risque sur la santé, c'est-à-dire que le fait de boire un verre d'alcool, ben, il y a des effets positifs qu'on peut retrouver, bien sûr. Hein, ça peut être un élément qu'on peut retrouver dans notre quotidien. Voilà. Mais attention, c'est d'informer que ce verre que vous consommez n'est pas un verre anodin, et là je parle de quel que soit le type d'alcool, hein, parce qu'on a longtemps mis, une différence entre le vin, le révestrol qu'il y avait dedans, les tanins du vin, etc., et d'autres boissons, notamment les spiritueux. C'est totalement faux, là on parle d'une molécule qui est l'alcool éthylique, qui est la molécule qui, elle, va engendrer les complications au niveau cérébral et au niveau des organes et au niveau de la santé. Voilà, donc je pense qu'il faut, c'est nous à définir, finalement, sociétalement, qu'est-ce qui est acceptable en termes de risque bénéfices pour la santé. Aujourd'hui, Fabien Gerski, ce qui est acceptable, en tout cas les recommandations sont les suivantes. Pas plus de 10 verres d'alcool par semaine, pas plus de 2 verres par jour et une pause d'au moins 2 jours par semaine. Oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui définit expliquez-nous pourquoi, comment on en arrive à ces chiffres de recommandations. Pourquoi C'est une bonne question. Ces recommandations sont vraiment basées sur les impacts sur les différents organes de cette consommation d'alcool. Et comme l'a expliqué Hervé Martini, le French paradox maintenant est battu en brèche par en particulier les études qui montrent une augmentation de façon linéaire du risque de cancer. Ce qu'on peut souligner aussi, en particulier, c'est chez les personnes les plus fragiles, et par exemple chez les femmes, pour lesquelles il y a une relation linéaire significative dès le premier verre sur le risque de cancer du sein. Des choses qui sont assez peu développées, en fait assez peu connues du grand public. Hervé Martini, un mot à la fois là-dessus, c'est-à-dire finalement sur ces recommandations, pourquoi 10 verres par semaine, pourquoi pas 12 ou 18, enfin pourquoi 2 verres par jour et pas 1 ou 4, enfin comment est-ce que vous savez comment elles ont été produites ces recommandations et sur la foi de quels travaux ? Alors on a pris finalement, notamment des auteurs comme Rehm par exemple, on a pris une courbe, on a regardé la courbe en fin de compte et selon le degré d'alcool, voire le taux de mortalité. De manière très simple, très, très simpliste. Et on voit bien que, à partir du premier verre, on pensait qu'il y avait ces petits trucs qui faisaient qu'il y avait une petite courbe négative qui montrait qu'il y avait un bénéfice. Ça, c'est plus du tout le cas. Et en fin de compte, on a une courbe exponentielle qui monte. C'est-à-dire que plus je consomme, plus le risque, si on prend que la mortalité, par exemple, elle va augmenter. Donc on définit finalement un curseur pour être sur le risque qui paraît le plus acceptable. Et alors, du temps de nos anciens, donc dans les années 60-70, on était à l'époque à 5 verres, hein, et puis après à 3. Et en fin de compte, 5, c'était, on estimait qu'à l'époque, par exemple, le risque de cirrhose était majoré, était significativement majoré lorsqu'on consommait 5 verres par jour. On s'est rendu compte après avec les données scientifiques, données de la science, que finalement, ce seuil, il s'abaissait lorsqu'il y avait une consommation quotidienne. Donc il fallait abaisser finalement ce seuil. 2 paraît être un seuil qui, à la fois sociétalement, peut être accepté, car vous savez, on peut faire une mesure sociétalement, sanitairement très acceptable, mais sociétalement peu acceptée, elle n'aura aucune efficience. Donc on est parti sur 2 qui, effectivement, est déjà une augmentation du risque, mais qui est un risque qui demeure faible. Donc c'est vraiment une courbe exponentielle qui fait que dès le premier verre, on a un risque significativement plus important. Donc c'est basé sur des courbes de mortalité. Mais on ne se base là que sur une mortalité. D'accord ? C'est l'autre conséquence. Oui, on peut rappeler que l'alcool est la deuxième cause de mort prématurée en France notamment. On parlera tout à l'heure des pathologies. Peut-être que vous pouvez nous expliquer aussi concrètement l'un et l'autre. Je ne sais pas qui veut commencer. Exactement, cette molécule d'alcool, l'éthanol, qu'est-ce qu'elle fait à notre organisme pour avoir toutes ces répercussions en termes de risques sur la santé, que ce soit les risques de cancer, les risques de démence et les problèmes liés à l'addiction. Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau cellulaire et en termes de biologie moléculaire, Hervé Martini. Alors déjà, l'alcool, c'est une très petite molécule, une molécule très très simple, hein, l'éthanol, très petite molécule, alors qui va au niveau du cerveau, pénétrer rapidement dans le cerveau et désorganiser la membrane cellulaire, la membrane du neurone. Elle va la désorganiser, va entraîner des modifications vraiment membranaires avec une fluidité qui est différente de cette membrane avec une expansion différente. C'est ce qui explique d'ailleurs les phases finalement de l'ivresse. La première complication de l'alcool, c'est l'ivresse. Donc elle va entraîner une désinhibition au départ, souvent ce qui est recherché par l'individu. Puis ensuite, on a une phase d'instabilité, d'incoordination, et enfin on peut aller jusqu'à une dépression du système nerveux central. Elle va agir, alors il n'y a pas un récepteur spécifique à l'alcool, qu'on pourrait dire un récepteur spécifique au tabac ou au morphinique, mais elle va engendrer des modifications au niveau du système nerveux central en termes de neurotransmission. Donc on a le système dopaminergique, système sérotoninergique, système du stress, système des opiacés, hein, des opioïdes endogènes. Mm-hmm. Donc elle va modifier cela, qui va pouvoir entraîner la dépendance. Ensuite, je rappelle que l'alcool est un... Et Fania Jerski en parlera sans doute mieux que moi sur le plan neuropsychologique. Ensuite, l'alcool, cette molécule-là, va être dégradée en acétaldéhyde par une première enzyme. Et cet acétaldéhyde, c'est plutôt toxique pour l'organisme, voire très toxique pour l'organisme. Et donc, quand le système arrive à détoxifier, donc il va le transformer en acétate, acétate, site coenzyme A et acide gras, donc stockage des graisses, stéatose, hépatique, le fait, par exemple, de consommer beaucoup va entraîner une augmentation de l'acétaldéhyde. Le système est dépassé et l'acétaldéhyde est toxique. Donc, il va être toxique pour le foie, il va être toxique sur le plan neurologique, donc sur les organes. Mais je rappelle aussi que la première comme motif de consultation, ce n'est pas un problème organique, ce n'est pas un problème de cirrhose, c'est souvent des problèmes sociaux. Car c'est souvent les problèmes sociaux qui vont amener la personne à réfléchir à sa consommation. Et les premiers dégâts sont souvent des dégâts sociaux. Mmh. Fabien Jerski, est-ce que vous voulez compléter justement, vous qui êtes neuropsychologue, sur la partie plus cérébrale de l'action biologique de l'alcool, de l'éthanol en l'occurrence, sur notre cerveau et sur notre organisme ? Oui, bien sûr, ce sont des choses qu'on commence à bien connaître. Alors, depuis longtemps, il avait été identifié que la consommation chronique d'alcool engendrait des troubles de mémoire sévères. Hein, c'est un psychiatre russe, Sergei Korsakov, qui avait montré que les patients qui consommaient de façon chronique avaient des troubles sérieux de la mémoire et qu'ils ne reconnaissaient pas une personne qu'ils venaient de croiser 2 ou 3 minutes plus tard. Et puis, on a avancé dans le domaine de la recherche et on a montré que ces patients présentaient aussi des altérations d'un ensemble de fonctions cognitives qu'on appelle les fonctions exécutives. Ce sont des fonctions qui nous permettent d'avoir une action qui est dirigée vers un but, qui nous permettent d'inhiber certains comportements, qui nous permettent de changer notre comportement en fonction de la situation. Et là, ça va avoir un impact direct sur la difficulté à se sortir de cette spirale addictive, puisque pour changer ce comportement, qui est habituellement d'aller consommer de l'alcool dans telle ou telle situation, ou de savoir s'arrêter dès lors qu'on a bu un ou deux verres, eh bien, ces fonctions étant altérées, les patients vont être en difficulté pour pouvoir mettre en œuvre ces processus d'inhibition et de changement de comportement. De la même façon, les études qui sont réalisées ces dernières années montrent que la consommation d'alcool agit sur un ensemble de processus cognitifs qu'on appelle les processus de cognition sociale. Alors, ces processus de cognition sociale sont un ensemble de processus qui permettent aux personnes d'interagir avec leur environnement, de reconnaître par exemple les expressions faciales émotionnelles des autres, à savoir si la personne a l'air d'être en colère, de sourire, d'être triste, etc., et donc d'agir en conséquence. Eh bien, les études ont clairement montré que cette cognition sociale était altérée par la consommation d'alcool. Et à nouveau, ça va occasionner chez ces patients en fait, des difficultés à interpréter les signaux sociaux, ce qui va aboutir à des difficultés de relations interpersonnelles, ce qui va aboutir à de la souffrance. Je vais me sentir exclu parce que je ne me suis pas bien comporté dans telle et telle situation. Et cette souffrance va conduire soit à une augmentation des consommations, soit à des rechutes chez les patients qui étaient par exemple en sevrage. Donc vous voyez, l'altération cognitive, elle est extrêmement importante puisqu'elle a un rôle majeur dans la spirale addictive et dans la difficulté des patients à se sortir de cette conduite addictive. Et à partir de quel moment, selon vous, quels sont les critères qui peuvent permettre de dire « j'ai un problème » ou « ma consommation d'alcool est problématique » Est-ce que c'est la fréquence? Est-ce que c'est la quantité? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est toujours très clair finalement à partir de quel moment on bascule dans quelque chose qui n'est plus tout à fait maîtrisé, qui peut être préoccupant pour des problèmes de santé dont on reparlera d'ailleurs dans quelques minutes, Hervé Martini? Oui, alors déjà, on a effectivement les repères qui ont été proposés par Santé Publique France, basés sur les études scientifiques. Au-dessus de deux verres, on n'est pas alcoolodépendant, on n'est pas addict, mais on prend un risque supplémentaire. Donc, il faut s'interroger. Donc, déjà, effectivement, la notion de quantité peut être un élément. Je bois une bouteille de vin tous les soirs, c'est au-dessus des repères, je ne suis pas forcément dépendant, je peux m'en passer, mais attention, je suis à un niveau de risque, j'en parle. Donc là, tout le rôle, effectivement, du repérage précoce par les professionnels de santé. Ensuite, on a tendance à dire dans l'addiction, il y a différents critères. C'est la perte de contrôle. Je n'arrive plus à consommer sans m'arrêter. La notion de craving, par exemple. Le craving, c'est ce besoin impérieux de consommer de l'alcool qui est important. C'est la poursuite de la consommation alors que finalement, je sais que j'ai un problème avec cette consommation. Tout ça, c'est des signaux, c'est des éléments qui doivent nous alerter. C'est des proches, par exemple, c'est l'entourage, c'est les dégâts sociaux, des dégâts psychologiques, anxiété, dépression. Tout ça sont des éléments qui doivent vous faire interroger sur la consommation d'alcool. Alors, il est bien évident que plus les signes sont faibles, parce que la consommation est très précocement, on entre très précocement en consommation, plus moins c'est détectable. Mais c'est donc un faisceau d'arguments qui va nous faire dire, attention par exemple, j'ai peut-être un rapport au produit qui est complètement différent. Dans le Dry January par exemple, dans le défi de janvier, on peut se dire, je ne veux pas boire d'alcool pendant 2-3 repas, et je me rends compte que je n'arrive pas du tout à m'en passer, que ça devient un besoin, que j'ai besoin de cet alcool-là pour démarrer la journée. Ça interpelle. Je ne suis pas forcément dépendant. Je ne suis pas forcément dépendant au sens où, si j'arrête l'alcool, j'ai des signes de manque, des signes sévères de manque, jusqu'au delirium tremens, qu'on connaît bien, qui est une cause de mortalité. Ça doit interpeller les personnes. Donc, la notion, effectivement, de rapport au produit est très importante. Je consomme de l'alcool pour me sentir mieux, comme un médicament, je dépasse les seuils de risque, et j'associe ma consommation aussi à d'autres produits. La polyconsommation, donc le fait de consommer plusieurs produits, tabac, alcool, cannabis, médicaments, opiacés, etc., cocaïne, je prends un risque là aussi supplémentaire. Et donc, effectivement, là, je dois interpeller un professionnel de santé pour évaluer cette consommation et sans tabou. Fabien Gersky, vous voulez réagir? Moi, j'ai une question parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très scientifique mais dont on entend beaucoup parler, c'est la notion d'alcoolisme social. C'est-à-dire, ma consommation elle est à peu près maîtrisée, mais c'est vrai que quand je sors en dîner chez des amis, quand je sors dans des bistrots, etc., là, d'un seul coup, bien très facilement, je me mets à consommer beaucoup. Est-ce que c'est une notion en addictologie, vous, qui est définie, que vous prenez en compte? Est-ce que cet alcoolisme social, quand on le perçoit, il faut s'en inquiéter? Oui, l'alcoolisme social, c'est en fait finalement une occasion de consommation qui peut amener à des niveaux de consommation qui sont extrêmement délétères. Donc, quelles que soient les occasions de consommation, on l'a dit, les repères qui ont été donnés sont des repères qui sont importants. Probablement que le plus inquiétant, c'est lorsque la personne cherche à transposer ensuite, lorsqu'elle est seule chez elle, la situation dans laquelle elle se trouvait dans les cas de consommation en groupe. C'est-à-dire, finalement, dans cette période, j'étais bien, je m'amusais bien. Là, j'ai quelques difficultés passagères dans ma vie et je veux retrouver ces moments heureux en utilisant la consommation d'alcool. Donc ça, c'est un problème. Et puis, je voulais réagir ensuite à ce que disait Hervé Martini, parce qu'effectivement, dans le domaine de l'addictologie, on utilise, on a recours en fait à ce qu'on appelle le cercle du changement pour situer la personne dans sa perspective de sevrage. Et il y a beaucoup de consommateurs qui sont dans ce qu'on appelle la pré-contemplation, c'est-à-dire que ce sont les consommateurs et consommatrices heureux et heureuses. Et là, ils ne se posent pas de questions sur l'impact de leur consommation, alors que cet impact peut être déjà présent. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'alcool va altérer un ensemble de fonctions, dont les fonctions mnésiques. Et donc, je peux très bien ne pas avoir de capacité à me souvenir que c'est bien à cause de la consommation d'alcool que j'ai eu telle ou telle difficulté dans ma vie. Et une des raisons de faire ce défi de janvier, c'est justement d'entrer dans ce qu'on appelle la phase de contemplation et de se dire... Où est-ce que j'en suis vis-à-vis de ma consommation d'alcool? Qu'est-ce que cela a pu occasionner? Comment, dans cette société où la consommation d'alcool est une sorte de norme, je peux réfléchir sur cela? Est-ce que vraiment j'ai besoin de consommer de l'alcool pour être pour m'amuser dans une fête? Est-ce que vraiment il y a vraiment de nombreuses occasions de consommation d'alcool, hein, pour fêter aussi bien une naissance qu'un décès, pour fêter aussi bien la réussite à un diplôme, ou bien pour se soulager d'avoir eu de mauvaises notes. Donc on voit bien que ces occasions sont extrêmement fréquentes, et c'est important que la personne puisse se dire, est-ce que cette substance est forcément nécessaire à la réalisation de l'acte social que nous avons souhaité mettre en œuvre. Un mot peut-être aussi, Hervé Martini, sur cette question de l'alcoolisme social. Là aussi, à quel moment on doit se méfier, ou à quel moment est-ce que on est sur une pente glissante, sur un point de bascule? Alors c'est pareil, on peut l'appeler sous différents noms, alcoolisme social, alcoolisme mondain, on essaie de se cacher finalement derrière ces aphorismes pour ne pas comprendre que finalement on peut avoir une difficulté avec l'alcool. Et comme le disait Fabien Gersky, tout événement et finalement devient prétexte à consommer. C'est-à-dire que je sollicite l'événement parce que j'ai besoin d'alcool, et c'est à ce moment-là que finalement ce sera plus socialement acceptable de consommer, parce que je suis dans le cas d'un repas d'affaires, parce que je suis dans le cas d'une fête avec des amis. Je crois que alors, il faut bien se dire que la grande majorité des Français ont un rapport à l'alcool qui n'est pas un rapport d'addiction, hein, là, fort heureusement. Mais on est souvent dans des usages, je dirais, à risque, parce qu'on a dépassé des seuils, parce qu'on a pris son véhicule. Si, par exemple, quelqu'un, dans une soirée, a forcément besoin de consommer un verre d'alcool, ne peut pas refuser un verre d'alcool, ou parce qu'il y a une pression sociale qui fait que, finalement, on vous offre de l'alcool directement, et vous ne pouvez pas dire, je vais chercher un pauvre jus de fruits qui se trouve tout derrière, tout loin derrière au bar. C'est souvent le cas, hein, avec une eau pétillante quand on en trouve, ou une petite eau plate dans le coin. Et vous voyez, c'est toute cette pression aussi sociale qui est importante. Donc, je crois vraiment, il faut... se dire, il y a plein d'autotests, hein, qu'on peut faire, des questionnaires qu'on peut faire à la maison chez soi pour se dire, tiens, où j'en suis. Et s'il y a une réponse qui montre que finalement, je suis peut-être un peu au-dessus du risque, hop, je consulte et je fais le point. Et vraiment, sans tabou, il ne faut pas avoir peur d'en parler, hein, ce n'est pas une maladie honteuse. Et pareil, hein, je veux dire aussi, il faut vraiment s'intéresser aussi aux motivations. Pourquoi je consomme? Fabien l'a dit aussi, ça peut être comme médicament, quelquefois ça permet de tenir, parce que finalement, lorsque dans mon entreprise c'est difficile, j'ai besoin d'alcool pour tenir. Je rappelle qu'une des premières mesures de lutte contre l'alcoolisme des entreprises, par exemple, c'était la fontaine à eau, qui permettait, dans des métiers qui étaient de charge physique majeure, de s'hydrater, non pas par l'alcool, le vin de soif, mais utilisant l'eau. Donc, vous voyez, il faut toujours finalement essayer de chercher les motivations. Qu'est-ce qui fait que socialement, on est poussé à consommer? Et je crois que là, il y a un vrai intérêt à parler d'alcool, faut plus que ce soit un tabou, quoi, parce que ça entraîne les gens finalement à se replier sur eux-mêmes, de dire quand on demande est-ce que tu bois, on se dit mais bon sang, il me prend pour un alcoolique, quoi. Il faut vraiment se sortir de cette représentation-là, et ça, c'est un gros travail. On travaille sur les représentations. Eh bien, ça tombe bien, puisque c'est ce que nous allons faire tout au long de cette heure. Nous parlons de l'alcool, nous allons continuer à en parler dans quelques minutes. Nous allons parler notamment des pathologies les plus graves et de la façon dont on fait le lien entre une consommation d'alcool et ce type de pathologie spécifique. Restez avec nous, on revient tout de suite. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante, la vie est-elle tellement vivante, je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois. Boris Vian, je vois que je me trompe. En tout cas, deux mots, puisque nous parlons de l'alcool tout au long de cette heure en compagnie de Fabien Gerski, qui est neuropsychologue et professeur à l'Université de Reims, et Hervé Martini, qui est médecin addictologue, secrétaire général de l'association Addiction France. Alors, après avoir examiné, eh bien, les effets de l'alcool sur l'organisme, on passe aux pathologies, à commencer, bien sûr, par les pathologies du foie. Or, toutes les personnes qui boivent en excès ne développent pas toutes systématiquement ce type de cancer. C'est donc qu'il y a des prédispositions génétiques et c'est le sujet de votre reportage du jour. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et c'est avec Jessica Zuckmann-Rossi, professeure à l'Université de Paris et à l'Hôpital Européen Georges Pompidou APHP, mais aussi directrice du Centre de Recherche des Cordeliers, que nous avons parlé de tout cela. Avec son équipe, Jessica Zuckmann-Rossi s'est intéressée à un panel de 4000 patients consommant de manière excessive de l'alcool et dont une moitié avait contracté un cancer du foie et l'autre non. En étudiant le génome de ces personnes, Jessica Zuckmann-Rossi a mis en évidence des variations génétiques qui expliquent cette inégalité face au risque ou non de contracter un cancer du foie lié à une surconsommation d'alcool. Le carcinome hépatocellulaire est la tumeur du foie, primitive du foie, la plus fréquente. Il atteint 8000 personnes environ par an en France. Et il a malheureusement un pronostic qui est très sévère, puisque les thérapies qui sont actuellement développées, en dehors de la chirurgie et de la destruction locale des tumeurs, ne sont pour l'instant que relativement efficaces, permettent de prolonger la survie, mais pas de guérir complètement du carcinome hépatocellulaire. Alors, les facteurs de risque de développer un carcinome hépatocellulaire et donc un cancer primitif du foie sont nombreux. Et parmi ces facteurs de risque, en France, on peut estimer que la moitié des cancers du foie sont liés à une consommation excessive d'alcool. Les autres facteurs de risque sont aussi l'obésité, ce qu'on appelle le syndrome métabolique qui donne la surcharge en graisse dans le foie. Mais il y a d'autres facteurs de risque aussi qui sont les infections virales et les hépatites virales, dont l'hépatite B, l'hépatite C par exemple, qui sont aussi des facteurs de risque qui sont importants pour développer ce type de cancer. Là-dessus, vous avez proposé un travail de recherche. Quel était le point de départ de cette étude sur les facteurs génétiques qui provoquent un risque accru ou non de développer ce type de carcinome ? Donc, le point de départ de notre étude a été de poser la question de pourquoi, dans l'ensemble de la population des individus qui boivent trop d'alcool, donc plus de 3 verres par jour, pourquoi certains vont développer un cancer du foie et d'autres non. Donc l'hypothèse est que pour certains patients qui développent des cancers du foie avec une consommation excessive d'alcool, ils pourraient être prédisposés d'un point de vue génétique et donc avoir des variations dans leurs gènes, héritées de leurs parents, qui peuvent moduler en fait le risque de développer le cancer du foie, soit en augmentant ce risque, soit en diminuant ce risque. Et à ce moment-là, on peut être protégé aussi, en partie, du risque de développer un cancer du foie. Donc, pour répondre à la question, nous avons collecté plus de 4000 patients ou individus qui ne sont pas forcément malades, consommant trop d'alcool, pour moitié qui avaient développé un cancer du foie et pour moitié qui n'avaient pas développé de cancer du foie. Et nous avons fait des analyses de leur génome et de leur pour identifier les variations génétiques qui étaient présentes chez les patients développant un cancer du foie et absentes chez les patients ne développant pas de cancer du foie. Et cela à consommation d'alcool similaire et avec les autres facteurs de risque aussi de manière similaire et âge similaire. Quelle mutation génétique vous avez pu identifier pour expliquer cette inégalité finalement que développent ces patients-là face au risque ou non de développer un cancer du foie ? En utilisant cette stratégie, nous avons pu valider d'abord trois variations qui étaient déjà connues comme prédisposant au cancer du foie et qui étaient déjà bien connues pour prédisposer au cancer du foie dans le contexte de syndrome métabolique, donc dans le contexte de la surcharge en lipides au niveau du foie. Et à notre surprise, nous avons identifié un quatrième gène qui s'appelle un gène WNT, et donc WNT3, WNT9A pour les spécialistes, et qui, lui, la variation chez 30% des individus dans la population générale protège en fait relativement du développement, du risque de développer un cancer du foie. Et à notre surprise, cette nouvelle variation qui protège du cancer du foie n'est protectrice que chez les individus qui consomment de l'alcool et pas chez les individus, par exemple, qui ont une obésité, un diabète. Donc, pour la première fois, on a une relation en fait directe entre protéger d'un risque de cancer et une variation génétique qui est assez commune, hein, puisque on l'a, 30% de la population se retrouve comme ça un peu protégée. Et l'idée, à la fin, c'est que tous ces gènes, les trois premiers, le quatrième qui arrive, et les futurs qui restent à découvrir, hein, en fait, ensemble, modulent ce risque de cancer du foie avec des facteurs qui protègent et des facteurs qui augmentent le risque de développer des cancers du foie. Ce qui est important aussi, c'est, dans notre étude, c'est d'avoir trouvé cette interaction entre le facteur de risque, l'exposition à l'alcool, l'exposition au syndrome métabolique, l'exposition aux infections virales, et les facteurs génétiques qui sont inhérents à nos individus et notre individualité, notre constitution, on va dire. Et ces facteurs marchent ensemble, hein, c'est-à-dire qu'ils coopèrent ensemble. Alors, les facteurs génétiques, c'est pas blanc-noir, c'est pas j'ai un facteur protecteur, donc je suis complètement protégé du cancer du foie. Ça, c'est pas du tout le cas. On est en partie protégé, et puis il y a d'autres facteurs donc, qui vont aggraver. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut quand même, malgré des facteurs protecteurs, développer un cancer du foie. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que avec ces variations qui modulent le risque ou qui protègent du risque, on va développer des cancers qui sont différents et qui ont des groupes et des caractéristiques, en fait, histologiques, moléculaires, qui vont être différents en fonction de si on a, dans notre constitution aussi, des facteurs protecteurs ou augmentant le risque de cancer du foie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre nouveau gène, on a trouvé un gène qui est vraiment lié au développement du cancer et non pas à la maladie chronique induite par la consommation d'alcool. Donc on a vraiment un gène qu'on connaît bien d'ailleurs, hein, qui est dans une voie de carcinogénèse bien connue des biologistes, qui est la voie WNT-bêta-caténine, et qui est un acteur majeur de la carcinogénèse hépatique. Voilà le reportage du jour consacré à cette maladie liée à la surconsommation d'alcool, les prédispositions génétiques. Également, j'aimerais bien entendre votre réaction à ce reportage et peut-être pour développer un peu ce que l'on entend ici, la grande inégalité des individus devant l'alcool, Hervé Martini. Oui, bien sûr. On a tous dans notre imagerie populaire quelqu'un qui a fumé beaucoup, qui a bu beaucoup et qui est mort à 90 ans de sa belle mort dans son lit. C'est la rareté, ça. C'est la rareté, mais c'est comme toujours, la rareté, c'est toujours ce qu'on pointe du doigt en premier. La majorité, effectivement, des personnes, malheureusement, vont décéder de manière précoce, et pas simplement de cancer du foie, parce qu'on voit quand même apparaître dans les statistiques une diminution, finalement, des maladies liées directes de cirrhose alcoolique, par exemple, mais on reste à un niveau quand même élevé de cancer, d'autres cancers. L'alcool est directement facteur de risque, est directement facteur aggravant pour la cirrhose alcoolique ou certaines atteintes neurologiques, comme le syndrome de Korsakoff, ce qui était détaillé longtemps, ou l'encéphalopathie gaïvernique, mais également cofacteur ou facteur de risque supplémentaire pour des cancers, des voies aérodigestives supérieures, des maladies cardiovasculaires ou des troubles cognitifs et des maladies génétiques. Là-dessus, qui ont effectivement essayé d'évaluer des gènes promoteurs, des gènes protecteurs. Ensuite, on développe de plus en plus l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on est même au-delà, c'est-à-dire que finalement, le fait de consommer de l'alcool va modifier l'expression du génome, c'est probablement une des pistes à rechercher là, et le fait finalement de consommer modifie finalement la lecture de mon génome et est susceptible d'entraîner différents types de maladies. Il y a aussi une incongruité, c'est-à-dire que sur l'ensemble des consommateurs, tous ne deviendront pas dépendants à l'alcool. Et là aussi, c'est naturellement la nature du produit, c'est la nature de l'individu, on est tous différents, et là, probablement une part, même une part génétique joue. Alors, il n'y a pas un gène, il n'y a pas un gène de l'alcoolique, on qu'on soit clair là-dessus, c'est probablement plusieurs facteurs qui font que, et vous avez naturellement aussi l'environnement, avec la présence du produit, le marketing par rapport au produit, qui est un facteur aussi qui joue là-dedans. Donc, il y a cette grande inégalité qu'on a, on est vraiment au balbutiement, je pense que c'est ce qui est dit, on est vraiment dans le début de la compréhension des facteurs de la cancérisation. Mais je ne voudrais pas dire que c'est... Je rappelle, c'est une cause, naturellement, symbolique, qui est la cirrhose du foie, qui est le cancer du foie, mais il y a bien d'autres pathologies, et notamment des causes qui ne sont pas forcément des causes, je dirais, somatiques, mais qui peuvent être des causes sociales. Perte de son emploi, difficultés familiales et santé psychique. C'est aussi très important de le signaler. Fabien Gerski, on a aussi aujourd'hui un certain nombre d'études qui commencent à pointer le facteur aggravant que peut avoir la consommation d'alcool dans un certain nombre de maladies neurodégénératives, au premier rang desquelles la maladie d'Alzheimer. Oui, effectivement, il y a des résultats qui sont assez étonnants et inquiétants et qui montrent en fait une superposition des cartes en France entre la prévalence des démences qui sont non liées à l'alcool et les diagnostics de troubles d'usage d'alcool. Donc ça veut dire qu'on a un ensemble de cas de troubles cognitifs que l'on pensait liés à l'âge qui sont en réalité des troubles qui sont induits par cette consommation d'alcool. On a tendance à considérer, par exemple, que les phénomènes du binge drinking seraient quelque chose qui serait assez isolé, réservé à une population jeune, j'aimerais bien dire entre 18 et 25 ans, mais ça commence beaucoup plus tôt malheureusement. Mais en réalité, on observe aussi ce type de comportement dans un pourcentage non négligeable tout au long de la vie et même jusqu'à 65 ans et plus. Aujourd'hui, pour conclure sur les recommandations, notamment, il y a des choses qui ont évolué. Il y a également des études Hervé Martini sur les femmes enceintes. Alors, on pense qu'aujourd'hui, le message a été globalement bien entendu et le fait qu'il faille s'arrêter totalement de boire et que la consommation même d'un verre peut devenir dangereuse et augmenter les risques de l'enfant à naître. On est même en train de dire que pour les couples qui souhaitent avoir un enfant, il faut interrompre la consommation d'alcool dès le début, dès les premières tentatives, avant même que la femme tombe enceinte, puisque ces quelques semaines avant la prise de connaissance de la grossesse peuvent déjà être des semaines de risque augmenté en cas de consommation d'alcool. Ah, oui, alors... Déjà, il faut déculpabiliser toutes les femmes qui veulent avoir un enfant, qui ont consommé de l'alcool et qui découvrent aujourd'hui qu'elles sont enceintes. Pas de panique, ce sera suivi. Voilà, pas de panique tout de suite, parce que là, on va avoir un grand vent de panique d'appels qui vont nous dire « j'ai consommé de l'alcool, docteur, qu'est-ce qui va se passer ?» Vous avez raison, lorsqu'il y a un projet de grossesse, comme pour le tabac, comme pour l'alcool, comme si vous avez des médicaments particuliers qui peuvent entraîner une phytotoxicité, il faut prendre ses précautions, il faut courir le risque zéro et se dire que l'alcool, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire dans ma vie, j'ai envie d'avoir une grossesse qui se passe bien, donc je mets toutes les chances de mon côté, donc je ne vais pas consommer d'alcool. Surtout que c'est pas l'alcool, je rappelle, n'est pas une boisson physiologique, on peut largement s'en passer d'un point de vue physiologique. Donc le conseil, c'est de dire, si j'ai un projet d'alcool, si j'ai un projet de grossesse, eh ben, je vais faire cet effort de me dire, bah voilà, zéro prise de risque. Et pour la femme et pour le géniteur aussi, puisque il y a une toxicité, oui, qui peut se retrouver dans la production de gamètes. Oui, il y aurait effectivement quelques travaux qui, comme pour le tabac, comme pour certains produits, il pourrait y avoir effectivement au niveau de la spermatogénèse des difficultés. Bon, pour l'instant, soyons simples, alcool et grossesse, il faut si c'est une démarche de couple, tant mieux, que ce soit pour le tabac, parce que ça, clairement, le tabac a démontré effectivement une diminution de la fertilité dans le couple lorsqu'il y a une consommation de tabac. Pour l'alcool, on a des pistes aussi là-dessus, mais vraiment, le message, c'est si vous voulez être dans la conception d'un enfant, dans un désir de grossesse, évitez tout ce qui est toxique pour votre enfant, et donc ça passe par effectivement l'éviction de la consommation d'alcool. Je pense que c'est l'essentiel avant et naturellement pendant. Et après, lors des phases allaitantes, puisque l'alcool va passer la barrière, va être dans le lait maternel. Un mot de conclusion, Fabien Gerski, sur la stratégie à adopter pendant très longtemps. Bien, la stratégie pour les personnes qui avaient un problème avec l'alcool, c'était le sevrage total, la stratégie zéro verre avec des taux de récidive très très importants, de reprise. Quelle est aujourd'hui la ligne de conduite quand on veut arrêter ou en tout cas vraiment réduire? Est-ce qu'il faut passer à zéro complètement? Quels sont les conseils à donner dans ces conditions-là? Alors, je crois que la ligne de conduite, c'est d'avoir une ligne de conduite qui soit personnalisée. C'est-à-dire que, effectivement, chez certains patients, il sera nécessaire, obligatoire, pour éviter les rechutes, d'avoir une abstinence sur la longue durée. Par contre, aujourd'hui, il y a effectivement un mouvement qui tente à dire qu'il est important avant tout, c'est de réduire, et surtout, de réduire les risques liés à cette consommation importante, et qu'on peut, dans certains cas, ne pas prôner une abstinence complète, mais vraiment aboutir à une diminution progressive de la consommation pour aller vers ce fameux niveau de consommation dit à moindre risque. L'idée, c'est que cette substance est présente partout dans notre environnement et que finalement, demander à des personnes de réduire absolument à néant, à zéro leur consommation, alors même qu'ils sont sollicités de façon régulière par l'environnement social, par la publicité qui les entoure. On voit bien fleurir sur les panneaux 4x3 de façon régulière, notamment au début de printemps ou en plein été, ces publicités qui vantent en fait ces boissons qui permettraient de rafraîchir. Donc là, on voit que l'idée, c'est de se dire, mais finalement, on peut aller vers l'abstinence, mais si on n'y arrive pas, si c'est trop compliqué, eh bien, il faut surtout c'est réduire les risques liés à cette consommation importante. Et faire des pauses quand c'est nécessaire. Merci beaucoup, un peu à la manière du Dry January, arrêter toujours quelques jours. Ça fait du bien au corps et à l'esprit. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de l'alcool. Merci Fabien Gerski, merci Hervé Martini. La méthode scientifique, c'est, eh bien, comme chaque jour, Mariam Ibrahim, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Céline Lezen, Amel Boucherka, Olivier Bétard à la réalisation et Hugo Renard aujourd'hui à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur le site franceculture.fr et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.